Micro ouvert. On s'écoute alors la deuxième partie de ce micro ouvert au musée de Tervuren. Dans la première partie, on pouvait entendre le guide François Makenga, bien qu'on l'entende encore un petit coup dans celle-ci, la deuxième partie. Et donc c'est la SBL Bamco qui organise, et puis on entend la guide Anne Wetsi Mpoma, et puis aussi il y a un groupe là qui accompagne une dizaine de personnes et qui des fois donne leur avis, mais c'est plutôt rare. Et puis des fois quand il donne, ben, c'est vraiment bien. Comme prévu, nous avons donc Anne Wetsi Mpoma qui est historienne de l'art et qui va se présenter plus amplement maintenant, qui va nous présenter quelques salles et puis on va continuer comme prévu dans le programme. Ok. Merci Jean-François. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Anne Wetsi Mpoma, comme Mireille vient de le dire. Vous m'entendez bien? Oui. Ok. Voilà, donc je continue quand même à me présenter. Donc, je suis historienne de l'art, j'ai travaillé avec le musée ici dans le cadre de la rénovation l'exposition permanente. Donc j'ai fait partie des membres du G6 et la coopération s'est pas super bien passée, si je puis m'exprimer comme ça. Et donc je suis en rien responsable du résultat. Je tiens à le dire. Du résultat de ce qu'on va entendre maintenant ou... Non, du résultat de ce que vous avez déjà commencé à voir et de ce que vous allez voir, dans le sens où on a déjà parlé de l'histoire du musée. On a abordé un peu l'histoire du musée, Bambi l'abordera aussi un peu, mais moi de toute façon je ne suis pas triste d'avoir plusieurs voix en fait, puisque c'est l'idée de la journée d'aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir plusieurs voix, et en sachant que la critique est en soi constructive. Hein, Dans le sens où le musée pour moi présente, c'est le musée royal de l'Afrique centrale qui s'est rebaptisé par la suite Africa Museum. C'est le musée présente l'image que les scientifiques belges qui travaillent dans l'institution ont d'une certaine Afrique ou d'une certaine Afrique centrale. Et dans le processus de rénovation, je pense qu'à un moment, ils se sont rendus compte que ce serait quand même logique de faire appel à des personnes issues de la diaspora africaine ou à des Africains eux-mêmes, arrête Imani, pour quelque part un peu légitimer leur travail, puisque les collections, elles datent de la période de la colonisation ou parfois un peu avant, de l'époque où... Avec le développement des sciences naturelles et ce qu'on a appelé des découvertes, mais en tout cas des explorations au niveau du continent africain, il y a eu vraiment un phénomène de prédation. On a ramené tout un tas d'objets. Donc aujourd'hui, quand ils ont commencé la rénovation, ils se sont un peu retrouvés dans cette situation de « mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces objets ?» Et finalement, en quoi sommes-nous légitimes, nous, aujourd'hui, pour les présenter, pour avoir un discours là-dessus. Et donc cette légitimité, ils l'ont trouvée avec des personnes de la diaspora avec qui ils ont tenté de faire des collaborations. Mais je pense que cette légitimité, en tout cas mon point de vue, c'est qu'elle est plus valable sur papier. On peut dire, voilà, check, ça s'est fait, on a travaillé avec des diasporas, il y avait des gens autour de la table, mais notre voix n'a pas forcément été entendue. Et même quand elle l'a été, c'est pas marqué. Je veux dire, il n'y a aucun des noms des personnes avec qui on a travaillé, qui ont collaboré à ce projet. Enfin voilà, vous verrez. Donc c'est dans ce sens-là que je dis, bah oui, ça reste un musée qui occidental qui présente sa vision d'une certaine Afrique. Par exemple, juste une petite question. Quel exemple vous donneriez pour montrer que des fois il y avait des... Enfin, même pas des fois, ça a l'air d'être quand même conséquent, que c'est pas la même manière de voir, quoi. Juste un petit exemple pour qu'on puisse comprendre. Je propose qu'on avance alors au niveau de l'exposition, qu'on aille voir des exemples concrets, parce d'accord, que d'accord, d'accord. Beaucoup, effectivement. Faut qu'il paye été, hein. Vraiment, quand tu payes été, ça, dans un avion. Tu es ici à Korea, mais à ce soir... Mais à ce soir, ça l'a bien. Okay. Je parle de toi. Hein. Ah oui, oui. Et tu dis quoi? J'étais en train de dire qu'elle ne doit pas se focaliser sur toi, qu'elle fasse sa visite comme prévu. Mais je veux dire, elle a un micro maintenant, tout le monde l'entend. Non, je la rassurais sur le fait qu'en général, tu fais très bien tes... Voilà, c'est pas RTL TVI qui va nous... Bah oui, mais là, je ne comprendrai pas ce temps-là. Vous dites? Tu travailles pour qui? Mais plusieurs médias libres. Ah d'accord. Mais après, ça devient une archive. En fait, ce qu'on fait va vraiment rester... jusqu'à la fin de la mort d'Internet, quoi. Okay. Donc... Faut pas dire de conneries, c'est ça? Non, c'est... Je te suis, hein. Ok. Alors, j'avais prévu de vous montrer uniquement deux salles, mais je propose, comme il y a de la place et qu'il y a de l'espace, de commencer un petit peu la visite avec ce tableau. Donc, il y a une reproduction d'un tableau de Chéri Samba, qui est un tableau qui a été une commande en fait du musée envers cet artiste Chéri Samba, que vous connaissez sans doute, qui est vraiment un artiste, un peintre populaire assez connu. Et ben, comme vous pouvez le constater, il y a Guido Grezels d'un côté et les statues emblématiques de l'homme léopard, l'éléphant et les communautés congolaises de l'autre côté. Et tout le monde se dispute un petit peu le trésor, oui. Et ça plante un petit peu le décor du contexte de la rénovation aujourd'hui. Alors, il y a une salle ici à côté. Enfin, déjà, voilà. Vous me posez la question de savoir, de donner un petit exemple de désaccord, on va dire, entre les diasporas congolaises. Rwandaise, burundaise et le personnel du musée lors des discussions. Ben, moi, l'héritage de l'humanité, quand j'arrive ici et que je vois qu'en fait, tout ce qu'on a volé au Congo, en fait, tout à coup, appartient à l'humanité, ben, j'ai un vrai problème, quoi, parce que j'ai l'impression qu'on m'a volé deux fois. Hein. Une fois, on a tout pris, on a donné à la Belgique, et puis ensuite, on a dit, ah ben, ça appartient à tout le monde. Et quand est-ce que cet héritage appartient aux Congolais? Eh bien, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on n'était clairement pas d'accord, pour donner un petit exemple. Dans la salle ici à côté, je vous propose d'aller y faire un tour pendant quelques instants. C'est une salle vraiment qui a vraiment, enfin voilà, comme message, on va dire, de vouloir créer une rupture avec les représentations du passé. Donc on sait que le musée a joué un rôle important en termes dans la propagande coloniale et dans le sens où il a retransmis, il a permis aussi de diffuser une certaine image de l'Africain. Et toutes les statues qui sont problématiques, ou en tout cas la plupart des statues qui sont problématiques, ont été rassemblées dans cette pièce pour dire, voilà, on ne le laisse pas en dehors du musée, mais on met quand même un espèce de cordon ombilical autour de ces statues-là. Et c'est donc une manière de se démarquer du contenu et du message de l'époque. Voilà, encore une fois, je pense que dans notre groupe des experts de la diaspora, il y avait des personnes qui pensaient que ces statues n'avaient tout simplement pas leur place, plus leur place dans une exposition permanente. Mais voilà, ça fait partie des choix qui ont été faits. On a préféré le garder et on est tout à fait conscient que pour certains publics, le fait de mettre ce cordon autour des statues, c'est déjà choquant, c'est déjà beaucoup trop. Il y a des personnes qui comprennent absolument absolument pas pourquoi il y a un message négatif derrière ces statues-là. Alors comme on parle de statues que vous n'avez pas vues, moi ce que je vous propose c'est d'aller les voir et puis après on peut voir ensemble si vous, vous voyez qu'il y a quelque chose de problématique et si, voilà, quelle est votre position par rapport à ça. Est-ce qu'on peut prendre des photos? Oui, tout à fait. Ah oui, tu vas pas voir, toi. Voir, ok, mais moi je veux voir. Donc ça, c'est toutes des sculptures du musée d'avant qu'on peut plus voir. Toi, tu aimes bien jouer un peu avec moi, non? Tu peux dire ce que tu vois? En tout cas, ici, on voit un noir vraiment méchant avec un couteau, enfin vraiment... Ouais, c'est pas clair tout ce que je suis en train de voir, à vrai dire. Bah, ils ont pas l'air sympas, quoi. Non. C'est toutes des têtes, là, aussi, juste des bustes. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a vraiment un truc un peu déshumanisant et humiliant. Ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, c'est un peu difficile d'écrire. J'avoue que je le regarde d'abord un petit peu. Il faut que je capte un peu ce que je suis en train de regarder. Mais c'est pas un super sentiment, quoi. Mmh. Qu'est-ce que... Oui, Albert II, c'est le père. Oui. Bon, je vais peut-être enregistrer sur des conneries. On ne voit pas, on ne sait pas qui vous êtes. Moi, j'aime bien les conneries, justement. Voilà, vous avez vu un petit peu les statues en question. Alors, quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que vous comprenez pourquoi on les a mises là, pourquoi on a mis le cordon et pourquoi certaines personnes souhaiteraient peut-être qu'elles n'y soient pas? Ou vous êtes plutôt neutre Pour moi, je trouve que c'est pas du tout clair que c'est un cordon. Enfin, quand tu disais cordon, moi j'ai pensé cordon sanitaire, tu vois. Oui, c'était sanitaire. Ouais, sauf que c'est plutôt. On dirait voilà, qu'on a mis plein de statues au milieu et qu'on empêche les gens d'y accéder pour les toucher comme dans tout notre musée. Il y a une explication aussi. Ouais, hors jeu. Il y a une explication. Il y a quand même le structurel et le conjoncturel, c'est-à-dire que la disposition ici, un jour, le musée peut décider de la changer. Donc ça, c'est juste, pour le moment, il y a une salle là, elle est là, bon, c'est conjoncturel. Mais le structurel, c'est que ces statues restent dans le musée, comment est-ce qu'on les présente, comment est-ce qu'on les déconstruit, etc. Donc c'est vraiment deux choses différentes qu'il faut prendre en compte, quoi. Aussi, il y a très peu d'explications. Oui. Très, très peu d'explications sur... Non, ça, mais sur le tableau électronique, il y a très peu. Moi, j'avais envie de répondre un peu à ce que vous posez aussi comme question. Donc, l'idée, c'est de dire, tiens, il y a des bustes, il y a des personnages, il y a des sculptures qui sont là. Lesquelles, est-ce que ça vous parle? Là, on montre... Ça m'a choqué en rentrant. C'était une grande sculpture, grandeur nature, on va dire. On voit... Enfin, c'est pas... Il a l'air méchant, quoi, avec un couteau. Après, il y en a d'autres où je comprends pas très bien. Je comprends peut-être un peu moins bien pourquoi. Voilà. Mais ça, c'est toute une discussion, ça. Hein. J'imagine qu'il y a encore plein de. En fait, toutes les statues qui sont ici sont forcément liées à la représentation du noir au moment où on a fait ces statues-là. Et donc, la représentation du noir en Europe ou plus simplement en Belgique, elle a évolué à travers le temps. Mais au début du XXe siècle, il fallait justifier l'entreprise coloniale. Et donc, on ne pouvait pas justifier la manière dont on traitait ces personnes si on les présentait comme des personnes, si on les présentait comme des êtres humains égaux. Comme tout le monde, quoi. Voilà, avec une histoire, avec des mœurs, avec une culture. Et donc, il s'agissait effectivement de les montrer comme des sauvages, comme des cannibales féroces ou sanguinaires, ou comme des personnes... donc ça, c'était plus fin du 19e siècle. Et puis après, au début du 20e siècle, il y a eu l'idée du paternalisme qui disait que le Congolais était un grand enfant. Et c'est ça peut-être qu'on peut retrouver alors dans des statues qui vont être avec une autre iconographie peut-être un peu plus douce. Mais donc, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je pose la question, parce qu'il y a des personnes pour qui certaines de ces statues, je ne dirais pas toutes, mais ne posent pas de problème, elles ne comprennent pas forcément, en fait, qu'est-ce qui, dans l'iconographie de ces statues-là, est problématique. Il y a encore beaucoup, beaucoup de salles à voir, mais moi, je propose qu'on aille directement à la salle des vestiges archéologiques. Vous, si, c'est vous la chef. Hein. On est censé y être dans une minute. Dans une minute ? Ok. Je sais pas c'est où, moi. J'ai le plan avec moi, mais c'est un peu... Ça fait combien de temps alors que vous faites ça, vous, guide ? Pas longtemps ? Non, ça vient de démarrer ? Non, c'est-à-dire que je suis... J'ai beaucoup travaillé avec le musée, mais je suis guide uniquement avec BAMCO pour d'accord, le moment. D'accord. Je ne travaille pas pour le musée. D'accord. Ah oui, alors ça... Le guide de chaque institution. D'accord, d'accord. Mixte. Oui. Donc nous, on est responsable que de ce qu'elle dit. D'accord. Et après, c'est clair. Même si c'est bon. Voilà. Alors, je pense qu'il y a toujours la possibilité d'avoir des ascenseurs plutôt que d'aller à pied. Oui. Donc ça, c'est important aussi à dire. Ouais. Il y a beaucoup d'escaliers à chaque fois ? Non, des petites rangées comme non, ça ? Non, c'est des petites rangées. Oui. Ça va, ça nous fait du bien, quoi, non ? Oui, oui, moi, ça va. Je vous suis, je vous suis, c'est parce que... Je vais dire je parle trop, mais juste un petit mot. Mais peut-être alors là. Oui, d'accord. Oui. Ici, on est face à une œuvre de Michel Magema. Michel Magema, qui est une artiste congolaise qui vit à Paris. Et en fait, Michel Magema, c'est vraiment une artiste que nous avons, enfin, que dans le cadre d'un jury, les membres de la diaspora ont vraiment voté pour elle en disant qu'on aimerait bien. Et c'est aussi une artiste qu'on a proposée en fait, en disant qu'on aimerait bien, parce qu'on était à la recherche d'une œuvre d'une artiste. Il fallait des œuvres d'artistes contemporains. Il y avait déjà l'œuvre de Freddy Tsimba qui est à l'entrée du musée. Il y avait déjà l'œuvre d'Aimé Mpané qui a été sélectionnée pour la rotonde qu'on verra par la suite. Et donc, on cherchait aussi une représentation d'une artiste contemporaine féminine. Et donc, on est tombé sur Michel Magema. C'est une artiste donc, qui a été proposée par J.A. Brassard et moi-même. Et ben, aujourd'hui, vous voyez, donc, on voit l'œuvre de cette artiste ici, où en fait, c'est vraiment un triptyque trigénérationnel. Donc, on a l'artiste elle-même, on a sa maman et au milieu, on a sa grand-mère. Donc, on a trois générations de femmes. Et au départ, on avait pensé à cette œuvre pour répondre au mur qui se trouve là-bas et qui est un mur où il y a écrit, je ne sais pas, peut-être 1000 noms de Belges, 1500 ? 1508, voilà, 1508 noms de Belges qui sont morts pour la civilisation au Congo. Et donc... Finalement, dans les discussions, on a trouvé qu'une œuvre avec uniquement trois femmes, ça ne pouvait pas répondre à l'immensité des dégâts. Voilà, vous voyez que l'œuvre est là aujourd'hui, donc nous, on est contents. Mais où est-ce qu'on cite que c'est nous qui avons demandé et que ça correspond à quelque chose qu'on a demandé ? Ben, nulle part, parce qu'en fait, on n'est pas présent dans cette exposition. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même constater. Et vous avez fait la remarque ou pas ? Dans quel contexte ? Dans le contexte d'aller se confronter justement à ce musée de Tervuren. C'est un petit peu compliqué dans le sens. C'est tellement nouveau peut-être aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire que, prendre le temps maintenant d'aller discuter. Ça se fera peut-être sûrement à un moment donné. Voilà, c'est ça se fera peut-être à un moment donné, mais effectivement, je ne vais pas le faire que sur mon temps libre dans le cadre de bénévolat. Mmh. D'accord. Il y a aussi ça. Hein. C'est par là ? Je crois que c'est par là. Sur la droite ? Oui. Donc ici, vous avez les 1508 noms des Belges morts au Congo. Il fallait quand même faire une réponse face à ces noms de Belges qu'on ne pouvait absolument pas retirer. hein, puisque vous savez bien, le musée est entièrement protégé. Et donc tout a été remis à neuf. Donc il s'agissait vraiment de faire briller le musée et pas du tout de le modifier en quoi que ce soit. Et donc la réponse qui a été trouvée, on a proposé à l'artiste Freddy Tsimba de penser à une réponse. Et donc la réponse qu'il a proposée, lui, ce sont les noms des artistes, le nom des Congolais qui sont morts dans le cadre de la colonisation, mais il n'en a pas mis 1508, vous voyez. Et alors ces noms, en fait, lorsqu'il y a du soleil, ces noms vont apparaître projetés sur le mur. Alors c'est très intéressant. Freddy Tsimba, c'est vraiment un artiste que j'apprécie beaucoup, personnellement. Seulement, en Belgique, il y a souvent du soleil. Moi, je pense que si je suis venue ici 10 fois, j'ai pu voir l'œuvre une fois. Ah ouais. Ouais. Bah donc c'est le reflet donc de tous les noms. Pas tous les noms parce qu'il y en a, pas énormément, mais il y en a quand même. Donc de noms de Congolais qui sont morts dans le cadre de la colonisation et de l'œuvre civilisatrice de Belgique. Et donc les noms apparaissent. Et alors c'est magnifique, hein, c'est beau. Seulement il y a très peu. Il n'y a pas souvent suffisamment de soleil. Et donc, ce n'est pas grave qu'il n'y ait pas de soleil ici, mais alors à ce moment-là, il aurait fallu penser à une solution technique qu'on attend toujours. Donc, peut-être qu'elle arrivera quand même à un moment. Oui, d'accord. C'est moi. Oui, c'est tant qu'il n'y a pas de soleil, ça n'existe pas. Du coup, il n'y a pas de reflet. Tu veux que je demande aux autres Non, mais c'est parce que je suis venue par ici, il me semble. François peut vous aider. C'est quelle salle que tu veux faire en premier ? La salle archéologie. Oui, tout à fait, c'était ça l'idée. Et comment il a choisi ? C'est qui l'a choisi ? Attends, parce que je cherche cette salle. Attendez, elle cherche un. Notre guide cherche son chemin. Ici, on est dans la biodiversité. Donc le paradoxe des ressources, il est là-bas. Et donc, histoire longue, c'est par là, oui. Oui. À mon avis, ça, c'est un bout de l'ancien, je le reconnais, de l'ancien musée. Hein, Mireille? Je te propose de répondre aux questions une fois qu'on sera arrivé, parce qu'on ne se rend pas compte. Après, mais toi, tu ne sais pas? Parce qu'ils vont dire, oui, mais on finit en retard et tout, donc, pensons. Oui, mais les gens... Mais non, je parle à Wetzel, Susan. Il y a les noms de Bejman, on n'a pas dit, mais dans la salle de Michel Magéna, il n'y a pas de siège, quoi. Tu sais pas aller t'asseoir et te poser. Donc, je vais pas vous faire tourner en rond. J'y étais il y a 2 ans. Mais François, c'est pas nous dire ça. C'est un énorme musée quand même. C'est fou. T'as trouvé? Oui, c'est ici. Comment c'est ton prénom encore ? Wetzi. Ici, on se retrouve vraiment dans le musée qu'on connaît, si on est déjà venu, quoi. Hein, c'est oui, tout à fait, c'est-à-dire on n'est plus dans du bâtiment neuf, quoi. Hein. Oui. Tu m'entends toujours ? Ah, pardon. Ok, à toi, tu peux y aller ? Alors, pour moi, cette salle-ci, elle est hyper importante parce qu'elle... On parle des vestiges archéologiques et de vestiges qui ont été donc découverts dans le cadre de fouilles archéologiques. Alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à l'archéologie, à la préhistoire de l'Afrique et par rapport à l'image ou la représentation du noir dans l'histoire occidentale. Tout d'abord... moi, c'est quelque chose que j'avais trouvé intéressant quand j'étais venue pour visiter cette salle et que, un petit peu comme aujourd'hui, j'avais un peu cherché. J'avais vu un gardien et donc je lui avais demandé, tiens, écoutez, je cherche la salle avec les vestiges archéologiques. Et il me dit, mais vous savez, si vous êtes au musée de l'Afrique, il n'y a que des vestiges archéologiques. Non, gars. Enfin, non. Il n'y a pas que des vestiges archéologiques. Pourquoi je dis ça ? Parce que dans l'image, dans l'imaginaire, encore une fois, mais là ça a commencé un peu plus tôt, c'était déjà dès le XVIIe siècle, c'était vraiment installer l'idée d'une assimilation entre l'état de nature de la brousse, de la forêt équatoriale, de la forêt vierge africaine et la préhistoire de l'humanité. Et encore aujourd'hui, on a du mal à dissocier un petit peu l'état de nature, le mode de vie des pygmées et celui de l'homme de Néandertal, qui n'ont absolument aucune mesure, enfin, qui n'ont absolument rien de commun. Et donc, cette salle-ci, je la trouve intéressante parce que on y retrouve des vestiges donc archéologiques qui ont été retrouvés parfois dans de très bonnes conditions, dans des couches bien stratifiées, des objets qu'on a pu dater. Et comme d'habitude, quand on a découvert, quand les Européens ont découvert, je mets vraiment entre guillemets, mais ont rencontré des objets qui faisaient penser qu'en Afrique, il y avait des civilisations anciennes, qu'en Afrique, il y avait des signes d'intelligence, eh bien, on n'a pas cru. On a un petit peu zappé l'affaire, si je puis dire. Ou alors, on a prêté la paternité de ces objets-là à des invasions d'Européens. Donc ça a été le cas, par exemple, dans les vestiges en pierre du Zimbabwe, qui sont en fait en réalité des constructions des populations Shona. On a dit que ce n'était pas possible, que c'était peut-être des envahisseurs asiatiques. Au Nigeria, au début du XXe siècle, on a découvert à nouveau on a trouvé des statuettes en métal et des figurines aussi en terre cuite du royaume d'Ifé, qui étaient vraiment des figurines où les visages avaient vraiment des traits fins. Là aussi, on a dit que c'était pas possible, que ça pouvait pas appartenir à des civilisations africaines, qu'il y avait des envahisseurs asiatiques qui avaient dû venir. Finalement, on s'est rendu compte que non, c'était des œuvres qui avaient été fabriquées par des artistes africains. Et un peu la même chose aujourd'hui avec les vestiges archéologiques. Alors évidemment, dans les vestiges archéologiques, il y a différents types d'objets. Il y a des poteries, comme celles qu'on voit ici, qui montrent effectivement qu'on possédait déjà le tour, Et alors, on est au niveau de l'époque, exactement ici, est-ce que c'est marqué ? Ici au-dessus, non ? Regarde. Au-dessus ? 1400 ? Non, mais ça date d'avant ça. Hein. Je ne suis pas certaine que... Il y a différents objets, mais il y en a ici qui datent de 600 ou 700 avant notre ère. Hein. Donc là, 1400, je ne suis pas certaine de quelle indication est-ce que ça peut donner. Voilà. Donc il y a différents objets qui appartiennent à différentes périodes archéologiques, à différentes stratigraphies. Donc ce sont des objets en terre cuite et on voit bien, ce sont des objets qui ressemblent vraiment aux vestiges archéologiques qu'on peut retrouver dans certaines tombes en Égypte ou en Mésopotamie ou même encore en Europe. Mais là, à nouveau, parfois, même quand on avait la datation au C14 qui disait que c'était des objets anciens, eh bien, on essayait de trouver des explications qui pouvaient paraître plus acceptables aux yeux des personnes qui faisaient ces découvertes. Et donc, ici, au niveau du contexte même de découverte de ces objets, on se rend compte qu'il s'agissait vraiment... ces découvertes attestent la présence de rituels funéraires autour des morts. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important dans les recherches qui concernent la préhistoire. Alors, je vous ai dit, il y a des vestiges donc, plutôt en terre cuite comme ça. Il y a aussi, bien sûr, toutes les pierres et la manière dont les pierres vont être taillées qui vont attester différentes étapes de l'évolution dans l'histoire de l'humanité. Mais ce que je trouvais aussi intéressant ici, c'est qu'on a quand même... le bâton qui est dit le bâton d'Ishango, qui cristallise un certain nombre de polémiques. Est-ce que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous en avez entendu dire? Je me rappelle quand j'avais 11-12 ans, je ne me rappelle plus bien, mais j'avais lu un livre. Et d'ailleurs, je suis étonnée de voir que c'est... J'ai imaginé ça hyper grand. Mais je ne sais plus. Mais... Alors, c'est vrai que je pense qu'on a tous ce réflexe-là en disant « Ah, c'est ça le bâton d'Ishango, c'est minuscule. » Et pourtant... C'est celui de gauche, enfin ce sont les deux de gauche. Hein. Et je pense qu'ici ce sont des répliques et que l'original se trouve au musée des sciences naturelles, qui ne veut pas le rendre, si je me souviens bien. Encore, encore. Bon, de toute façon, le rendre, oui. Fin. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que ça cristallise des débats? C'est parce qu'il y a des petites incisions sur cet os qui témoignent, si pas. D'une réelle pratique arithmétique témoigne au minimum d'une volonté quand même de séquencer et de compter quelque chose. Et donc il y a des débats autour de ce bâton d'Ishango ou cet os d'Ishango parce que certains scientifiques disent que les petites incisions qu'on y retrouve ne veulent absolument rien dire et d'autres évidemment vous en doutez qui disent que ce sont les preuves que les hommes de cette période-là, et on parle d'il y a 20 000 ans, en Afrique, avaient déjà découvert les mathématiques. Mais bon, voilà, le débat se situerait au niveau de est-ce qu'il y avait une pensée algébrique ou non. Pensée algébrique, certains scientifiques, et notamment le scientifique qui est responsable de cette salle ici au musée, qui est... Alexandre Livingstone, lui, il tape sur la table en disant qu'il faut arrêter avec ces stupidités. Il n'y a aucune preuve de pensée algébrique. Hein. Pour lui, tout au plus, un début de pensée arithmétique. Mais sur le site des sciences naturelles, c'est assez bien détaillé, en fait, cette polémique. Et je trouve que, voilà, à nouveau, la manière dont le débat n'est pas du tout... ce qu'on aurait aimé, c'est que l'exposition ici puisse montrer un petit peu les, peut-être pas les polémiques, mais en tout cas les questions sur lesquelles on a peut-être besoin de se rencontrer. Et c'est vrai qu'on peut tout à fait passer dans cette salle et éluder complètement ces questions-là parce que... Parce qu'on n'est pas au courant, tout simplement. Voilà, exactement, parce qu'on n'est pas au courant, parce que c'est pas dit et c'est un petit peu dommage, quoi. Parce que j'ai un vague souvenir d'en avoir entendu c'est ça. Une polémique qui est quand même... Mais c'est intéressant. Voilà. Alors lui, c'est Pierre Demarais, donc c'est le responsable... Bonjour monsieur, on le voit en vidéo. Hein, ce sont les chercheurs qui sont responsables des fouilles archéologiques et qui vont alors parler peut-être plus en détail de qu'est-ce qu'un biface, qu'est-ce qu'un silex, en quoi ça prouve une pensée... en quoi ça prouve une évolution un petit peu dans l'évolution de l'être humain, en fait, tout simplement, dans le développement de l'espèce humaine. Je vais y arriver. Il y en a un paquet de monde là, hein. Mais c'est vrai, on est samedi en même temps. Il y a du monde. La salle, ça, tu me poses une gueule. Hein. Je vais demander à François. Je pense que c'est là-bas. Non, oui. Ici, ce sont des cariatides. C'est quoi en un mot, cariatide? Ça veut dire quoi? Cariatide, ça veut dire qu'on peut s'asseoir dessus. Et Okay. On peut le mettre sur la tête et s'asseoir dessus. Ce sont des petits sièges, des figurines, en fait, voilà, qu'on porte sur la tête. Okay. Alors, il y a différentes... Donc, comme je vous l'ai dit, ici on est dans la salle qui parle de l'histoire coloniale. Il me semble que c'est une des salles les plus petites de tout le musée, de toute l'institution. Mets pas tes mains là-dessus, s'il te plaît, Chouchou. Tu peux bien arrêter? Imani, tu peux arrêter. Okay. C'est la salle dont a hérité donc, la présentation sur l'histoire coloniale. Alors, on va pas être parano, on va pas dire que c'est fait exprès, mais enfin, c'est quand même un hasard que je trouve assez, assez intéressant. Donc, je vous l'ai dit, dans l'histoire, pardon, dans l'histoire des rapports simplement même entre les Africains et les Européens, il y a eu différentes étapes. Au départ, par exemple, au Moyen-Âge, il y avait des représentations tout à fait positives de Noirs dans la littérature européenne. Comme quoi, un exemple ? Je l'ai noté, c'était d'ailleurs le premier ouvrage de littérature. Ah, pardon. Oui, tu peux donner un exemple. Bah, l'iconographie, hein, dans l'iconographie même religieuse, au départ, c'était pas forcément négatif. Il y a des saints noirs. Ah oui, comme ça. Non, non, mais c'est vraiment... là, je pense à un ouvrage dont l'auteur s'appelait Von Eschenbach. Et il faudrait que je retrouve le nom du personnage en question, du personnage africain, mais qui était représenté comme un noble de manière tout à fait positive. Et il y avait beaucoup de rapports entre... Enfin, il y avait certains rapports entre des pays africains ou des royaumes africains et l'Europe. Et donc, il y avait des ambassadeurs qui venaient ici. Et c'était souvent ces ambassadeurs qu'on retrouvait. Qui venaient en Belgique, hein, quand tu dis ici ? Non, en Europe. La Belgique n'existait pas. Donc, ils venaient en Europe. On va dire dans le nord du continent, quoi. Puisqu'on parle vraiment de l'époque du Moyen-Âge. Et puis ensuite, avec le développement du... commerce triangulaire et avec le développement de l'esclavage, on a retrouvé des Noirs ici qui avaient un autre statut. Ici, toujours en Europe, donc. Okay. Et si tu veux, enfin, si vous voulez, on a commencé à identifier l'Africain ou le Noir par rapport au statut qu'il avait ou qu'il a commencé à avoir à partir du moment où on a commencé à le considérer comme une marchandise dans le cadre de ce commerce triangulaire. Et ça a continué et c'est à ce moment-là aussi qu'a commencé à se développer l'idée que finalement, plus on était Noir et moins on avait de valeur. Donc cette idée de colorisme aussi. Et donc... c'est quelque chose qui est resté et qui a continué d'évoluer pendant la période coloniale. Mais donc, au moment où on est en pleine période de conquête coloniale, hein, tous les grands pays européens, donc toutes les grandes puissances européennes, la France, l'Angleterre, même les Pays-Bas, l'Allemagne, ont des colonies, on possède des pays, des territoires en Afrique. Portugal, l'Espagne. Portugal, l'Espagne et la Belgique, elle, qui existe déjà, puisqu'elle existe depuis 1830, c'est un jeune État, c'est un tout petit État, mais il existe, a à sa tête un souverain qui pense, qui a un rêve en fait, et qui dit il faut que la Belgique se hisse au rang de puissance mondiale, il faut que la Belgique ait elle aussi une colonie. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'il va contacter celui qui était à l'époque un journaliste. Et en fait, mais c'est très courant, tous ces journalistes, tous ces explorateurs travaillent vraiment pour toutes les grandes puissances européennes. Et donc lui décide de se hisser au rang de puissance européenne. 1884-1885, à la conférence de Berlin, il arrive à convaincre les autres puissances européennes de lui laisser... Donc ce journaliste, hein, tu parles. C'est... Non, là on parle de Léopold II. Ah voilà. De lui laisser, laisser à Léopold II donc le contrôle de cet État, de cette région d'Afrique centrale. Il arrive à les convaincre en disant que il va sauver le peuple qui s'y trouve de l'esclavage. Il arrive à convaincre également les autres puissances en disant qu'il va les civiliser. Il y a aussi un très fort lien entre la religion et l'image qu'on a de cet étranger. Parce que Il y a aussi le fait que ce sont des sauvages, non seulement parce qu'ils vivent dans l'état de nature, mais aussi parce que ce ne sont pas des chrétiens. Donc il faut les civiliser. Donc toutes ces questions-là se mélangent et c'est comme ça un petit peu qu'il arrive à convaincre les autres puissances européennes de lui laisser l'état indépendant du Congo, qu'il va gouverner à distance via ses mercenaires qu'il envoie sur le terrain et qui vont un petit peu pacifier la région. Donc les objets qu'on voit ici, vous pouvez venir les regarder après plus à votre aise. On entend des scientifiques qui parlent de tous ces objets-là qui sont vraiment... Des petites vidéos. Quoi. Voilà, des petites vidéos qui vont vous parler de cartes historiques et de choses comme ça. Moi je ne rentre pas spécialement dans les détails là-dessus. Dans l'histoire des rencontres, on va dire, entre l'Europe et l'Afrique, ici, vous avez des objets en ivoire qui montrent un petit peu aussi le début de ces rencontres au XVIe siècle avec, à l'époque, c'était le Royaume Congo et le Portugal et les souverains du Portugal qui ont eu une véritable communication. Ils s'envoyaient des lettres, ils s'écrivaient des lettres. À un moment, le roi du Royaume Congo a décidé de se convertir à la chrétienté. Et puis finalement, il a décidé qu'il préférait reprendre les religions ancienne de son royaume. Ça a posé tout un tas de problèmes aussi d'un point de vue diplomatique. Mais donc, ce qui est intéressant de voir ici avec ces objets, c'est un petit peu la rencontre et comment finalement les Congolais à l'époque se sont réappropriés l'iconographie chrétienne et comment ils l'ont incorporée dans leur culture en fait. Et donc du coup, on appelle ces objets-là des objets syncrétiques. Parce que voilà, ce serait un mélange de cultures. Et ici, vous avez une ligne du temps. Alors, il y avait des objets qui étaient intéressants à voir aussi. Code et loi du Congo belge. Alors, Léopold donc a sa propriété privée, mais au niveau des populations locales, la rencontre elle se passe pas bien, et donc il va y avoir vraiment. En sachant que Léopold n'est jamais allé en Afrique, hein. Oui, tout à fait. Donc, il a délégué son pouvoir. Oui, je l'avais dit tout à l'heure. Il avait peur de maladie. Oui, c'est sûrement. Il était hypochondriaque et il n'est jamais parti parce qu'il avait peur de maladie. C'était des mercenaires et vraiment des sociétés privées qui géraient le pays pour lui. Et c'est le moment où il y a eu toutes les exactions, on a parlé des mains coupées aussi, des scandales des mains coupées. Les Anglais étaient vraiment... on a accusé les Anglais d'avoir fait campagne... Je ne suis pas sûre qu'on puisse s'appuyer sur les vitrines. Les Anglais, à un moment, étaient accusés d'avoir fait campagne contre Léopold parce qu'ils auraient bien aimé avoir le Congo. Mais toujours est-il qu'il y a eu un scandale en 1905 avec un journaliste qui a rapporté vraiment que dans la forêt équatoriale, en fait, on voyait vraiment des lianes où il y avait du sang qui dégoulinait parce qu'on traitait vraiment... Il y avait une pression qui était mise sur les populations locales pour amener... notamment de l'EVA qui servait à l'industrie économique, à l'industrie automobile ici. L'arbre à caoutchouc, quoi. Oui, c'est ça, l'arbre à caoutchouc, l'EVA. Et donc, on raconte aussi que ceux qui ne ramenaient pas suffisamment de matière pour fabriquer ce caoutchouc recevaient des sévices corporels assez graves et que ça pouvait arriver jusqu'à une main coupée. Et donc, en 1908, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'en 1908, finalement, Léopold II se voit forcé de léguer le Congo au gouvernement belge. Et à ce moment-là, le gouvernement belge, quand il reprend le contrôle du Congo, il va tout faire pour en faire une économie, une colonie modèle. Et donc, c'est à ce moment-là que l'idée aussi du le rapport paternaliste va plus se développer. On va présenter le Congolais comme un grand enfant, mais un grand enfant qu'on peut quand même éduquer. Au niveau de la manière dont on vivait dont les Belges vivaient au Congo, ici on a code et loi du Congo belge. Ici ça parle des matières civiles et commerciales, mais en tout cas, il était tout à fait clair qu'il y avait une ségrégation, qu'il y avait les Congolais qui vivaient d'un côté et les Belges qui vivaient de l'autre. On le voit très bien dans toute la photographie coloniale quand on visite un peu les photos d'archives. J'en vois pas forcément ici. Ici, vous avez plutôt des chapeaux de Stanley. Je pense que tout est une question de choix aussi dans ce qu'on montre ou ce qu'on montre pas. Peut-être qu'on verra ça plus tard, mais effectivement, au niveau de la manière dont on vivait, c'était une véritable ségrégation. On a voulu en faire une colonie modèle, mais la manière dont ça s'est fait est qu'on n'a quand même pas demandé l'avis aux Congolais s'ils voulaient être civilisés ou s'ils voulaient qu'on les aide à se sortir de l'esclavagisme arabo-musulman. Alors ici, vous voyez donc tous ces objets-là montrent un petit peu cette propagande coloniale sur la colonie modèle, sur le fait qu'on apportait la civilisation, qu'on éduquait les gens là-bas, et sur le fait qu'on leur apprenait à lire, à écrire, que vraiment on les formait à des métiers manuels, on les formait à tout un tas de choses. Donc l'éducation, effectivement, c'est vraiment un pilier important, tout comme l'évangélisation était un autre pilier très important. Peut-être qu'ici, on voit alors les quartiers et les différences entre les différents quartiers. Et on voit aussi, au début du XXe siècle, donc au début de la... le Congo est devenu une colonie belge et est passé au gouvernement belge, on voit aussi... au niveau de la manière dont les femmes s'habillaient, elles s'habillaient comme des occidentales. Et elles avaient tout à fait le droit de s'habiller comme des occidentales. Et on constate un petit peu plus tard que dans les années 50, elles s'habillent de manière tout à fait différente. Pourquoi ? Parce que... il y avait, on n'a pas pensé le métissage. Le métissage était quelque chose de tout à fait honni. Et les missionnaires ont trouvé que les femmes africaines étaient trop séduisantes quand elles étaient habillées comme des femmes occidentales. Et donc, on leur a conseillé de se différencier et donc de porter plutôt le pagne et des tenues plus traditionnelles, entre guillemets, mais vraiment pour éviter ouvertement le métissage. Mais c'est encore le cas à Goma. Enfin, donc j'ai été récemment au Parlement de Goma, et j'étais en pantalon et je ne pouvais pas rentrer parce que je devais avoir un pagne. Et donc moi, j'imaginais que c'était pour des questions, une femme doit avoir un pagne. Et non, c'était parce que le pantalon est trop séduisant sur les femmes. Et c'était aussi les mêmes arguments avancés que pendant la colonisation. Quoi. Voilà, ouais. Tout à fait. Et alors après, récupérer... il y a aussi, toujours cette histoire de l'incorporation des logiques de l'administration coloniale parce que là, il n'y a plus de colons. Mais c'est un héritage inconscient des dynamiques... mais en tout cas... Oui, vous êtes gentil, hein. Conscient. Ben, c'est-à-dire que... c'est un héritage inconscient. C'est une reproduction, quoi. Cette reproduction, assumée ou non, elle est vraiment présente à différents niveaux. C'est-à-dire que même dans les études scientifiques aujourd'hui, on peut rencontrer des scientifiques au Congo qui vont dire qu'on n'étudie pas la préhistoire... et qu'on ne fait pas de fouilles archéologiques parce que ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de vestiges archéologiques qui vont utiliser vraiment les mêmes arguments que ceux que des théories racistes, situationnistes et évolutionnistes du début du XXe siècle, quoi. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment un gros travail de décolonisation à faire aussi bien... dans toutes les têtes, en fait. Oui, exactement. Aussi bien ici, en Belgique, mais que là-bas, au Congo, chez les Belges, chez les Congolais, chez les gens de la diaspora. Chacun, à son niveau, a son chemin à faire, si je puis m'exprimer ainsi, quoi. Là, on termine avec une œuvre de... ici, alors, on parle de... La voie vers l'indépendance. Au niveau de la voie vers l'indépendance, que dire en partant d'un objet ? Il n'y a pas de Lumumba, là ? Si, mais on... Oui, ça c'est vrai, tiens, où est-ce qu'il est ? Ici, vous avez un pagne avec le premier président congolais, Kasavubu. Et c'est vrai que la figure qui manque un petit peu ici, c'est quand même le premier ministre. C'est dingue, ça, non ? Oui, tout à fait, oui. Ah, il est ici, il est dans l'œuvre de Ilia. Mais à nouveau, on se sert aussi beaucoup de... des artistes contemporains ou de l'art contemporain pour amener les messages qui fâchent. Voilà, ça c'est l'œuvre d'un artiste congolais qui avait proposé le fauteuil, mais je vous assure, hein, parce qu'en fait il a fait... Ça c'est parce que tu le sais aussi, enfin, on voit un petit peu Patrice Lumumba sur une image noire et blanche. Non, mais il était pas... Non, mais c'est parce que je veux vérifier... Parce qu'elle est un peu bouleversée. Oui. Donc c'est un artiste qui utilise des journaux pour décorer son fauteuil, comme on le voit ici. Mais je pense qu'on lui a commandé un spécial avec des journaux de Patrice Lumumba, parce qu'au départ, ce n'était pas celui-ci que le musée avait acheté. C'est juste pour ça que je suis assez surprise, en fait. Quand je vois cette œuvre-ci. Il y a tellement de choses à dire sur cette salle que j'ai presque envie de dire, est-ce que vous avez des questions vraiment sur l'histoire coloniale à proprement parler, par rapport aux objets que vous voyez ici ? Dans cette salle, quoi, depuis le début qu'on a fait le chemin de la salle. Je sais pas, moi, j'ai quand même l'impression que dans cette salle, mais d'une manière générale dans ce grand musée, tout est petit finalement, il y a plein de petites choses et qu'on ne donne pas vraiment une ligne générale et puis après on décline. J'ai l'impression qu'il faut vraiment se débrouiller ou vraiment avoir déjà quelques bases pour suivre un peu l'affaire, l'histoire. Là, on voit indépendance. Moi, je travaille avec beaucoup d'élèves qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, c'est un peu... je trouve que c'est un peu... il faut obligatoirement avoir un guide et un guide qui s'y connaît vraiment, vraiment bien pour suivre. Et puis... Il y a énormément... Enfin, vas-y, mais... Non, oui, voilà. Il y a énormément de choses à dire aussi. Par exemple, je sais qu'il y a une des images ici qui, à partir de laquelle on peut commencer à parler, par exemple, de la force publique congolaise. Et ça, c'est aussi un autre chapitre hyper important dans l'histoire coloniale. C'est quand même l'effort de guerre des Congolais à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont quand même aussi permis à la Belgique de se hisser, d'avoir une position stratégique intéressante dans les négociations de l'après-guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et aussi à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, et tout ça, c'est vrai, comme tu dis, qu'il faut venir, il faut regarder les images et c'est un peu, tu tombes sur telle image, ah oui, alors du coup, tu peux commencer. Tu peux faire les connexions, effectivement. Par rapport à ce que le Congo et puis plus tard Rwanda, Burundi ont apporté à la Belgique, je trouve que, par exemple, ici, c'est pas clair. Mm-hmm. Quel a été l'apport, puisque finalement, c'était une entreprise financière, et je pense que ce n'est pas dit de manière suffisamment claire, c'est une entreprise financière qui était prévue pour donner de l'argent au roi Léopold II et puis ensuite à la Belgique et du confort et du prestige, etc. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a donné du pognon? Oui, combien? Je veux dire, les choses ne sont pas claires. On parle du fait que les Congolais ont contribué à la guerre de différentes manières. Il y a une petite plaque là-dessus, c'est écrit tellement petit. Moi, déjà qui suis grande, je fais une photo, je fais un zoom, mais j'arrive quand même pas bien à lire ce qu'il y a écrit dessus. Lumumba, c'est des petites photos qui font grosso modo la taille de ma main. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qu'on veut pas dire. Les écriteaux, je les trouve petits. Pourtant, j'ai des bons yeux, je porte mes lunettes, mais je trouve les écriteaux petits. J'aurais préféré alors qu'on me dise moins de choses, des choses hyper pertinentes, mais en plus grand et en plus fort, plutôt qu'il y ait plein de petites choses que je ne suis pas sûre de comprendre directement. Et voilà, j'ai l'impression que c'est plutôt... je sais qu'il y a aussi le côté artistique, il y a l'art. Bon, c'est peut-être que ce bloc bleu, c'est de l'art. Je ne sais pas en fait. Qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui est de l'ordre de la restitution de ce qui s'est passé, de la restitution de l'histoire, etc. Qu'est-ce qui est de l'ordre du politique et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'artistique? Tout ça n'est pas très clair ici. Et je ne dis pas forcément qu'il faut une ligne de démarcation entre les deux, mais je dis juste que je ne me sens pas accompagnée dans la compréhension. Et puis je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a plus de choses qui sont cachées que montrées sur la question de l'histoire. Rien qu'ici, dans cette salle-ci, rien que ça, si je devais encore parler de beaucoup de salles. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas moi le guide, donc je ne vais pas en dire plus. Parce qu'hier, moi, j'ai envie de faire juste une remarque, c'est réducteur, hein, quelque part. Dire que pour moi, c'est un truc vraiment qui me manque. Enfin, c'est aussi, y a beaucoup de choses qui manquent, mais il y a un petit panneau sur les résistances locales. C'est tout petit sur le fait qu'il y a quand même eu des résistances, des rébellions. Je pense qu'il y en a eu un bon paquet. Je pense qu'il y a une vraie mémoire sociale aussi qui a permis toute une série de choses. Et il y a pas mal de trucs qui me choquent un peu ici, mais je trouve que c'est vraiment hyper lacunaire. C'est que on a le sentiment, en regardant ici, que tout s'est passé plus ou moins. Oui, il y a eu un peu de travaux forcés, il y a eu quelques mains coupées apparemment. Toute l'histoire des révoltes et de la résistance sur place, qui me semble capitale, on n'en parle à aucun moment. Quoi. Je ne le montrerai pas, parce que moi, je n'ai pas vu cette plaque. Ah oui, je veux bien. Quelqu'un a envie de réagir aussi sur ce qui... C'est elle qui anime. quand on parle des ressources et de finalement pourquoi l'œuvre coloniale, je pense que dans cette salle-ci, il y a vraiment eu un clash entre la personne qui a la scientifique qui était responsable de la salle et les diasporas congolaises, parce que quand elle nous a présenté un petit peu ce qu'elle voulait faire. L'idée de départ, quand tu as parlé, quand elle a parlé, on avait aussi proposé. Donc, tout à fait. Donc, il y avait un conflit sur la manière dont on voulait présenter cette salle, où elle voulait effectivement montrer comment est-ce que les Belges ont travaillé au Congo. Elle parlait vraiment du point de vue des Belges au Congo. On allait parler du travail, des soins de santé, de vraiment comment, et de montrer un petit peu les bienfaits de l'œuvre coloniale. Donc, il y a eu des débats qui ont été finalement assez houleux, parce que directement, elle a refusé de travailler avec nous et puis il n'y a plus jamais eu de collaboration autour de cette salle-là. Et le résultat, en fait, de cette salle aujourd'hui, il est du coup très, très controversé. C'est-à-dire que nous, on arrive et alors à chaque fois, on découvre des petits détails en plus parce qu'il y a eu l'ouverture du musée début décembre. Mais entre début décembre et aujourd'hui, l'exposition continue continuellement à être enrichie. C'est pas qu'il y a un point fini. On arrive aujourd'hui et puis, ah tiens, ça, ils ont changé. On peut regarder le plan. Ah tiens, là, il y a eu des changements à tel niveau. Et sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas montré finalement pourquoi cette entreprise coloniale, ils auraient pu le montrer à travers la question des ressources. Mais comment est-ce que le musée a choisi de montrer ou de parler de la question des ressources? C'est en parlant du paradoxe des ressources, en disant c'est un pays qui est tellement riche, il y a tellement de choses dans les sous-sols, il y a tellement de... de matières premières qui sont essentielles à tout un tas de choses. Comment se fait-il que ces Congolais ne s'en sortent pas aujourd'hui et qu'ils vivent encore dans tant de misère et de pauvreté ? Donc, si vous voulez, on peut aller la voir, elle est juste à côté. Il parle vraiment des ressources sous cet aspect-là. On ne parle à aucun moment, finalement, de pourquoi est-ce qu'on est allé coloniser ce pays ou cette région. Et donc c'est très problématique, et c'est vrai que du coup pour moi parler de l'histoire coloniale en partant de cette salle-ci, c'est très compliqué. C'est même à chaque fois un petit peu se faire violence. Moi je préférais vous parler de l'histoire coloniale, dans un autre contexte finalement, plutôt que d'avoir comme point de départ... on posait la question de savoir, tiens, mais est-ce qu'il y a un travail artistique autour de cette salle ? Pas du tout. Le musée se présente vraiment comme une institution scientifique. Et c'est pas un hasard aussi, parce que dans la course pour la conquête coloniale, l'enjeu scientifique était un enjeu capital. La Belgique a réussi à se positionner en tant que... finalement pays colonisateur au départ, mais aussi en tant que pays qui possède des connaissances capitales sur l'Afrique centrale, sur les ressources de l'Afrique centrale. Elle possède des cartes qui montrent où est-ce que vous pouvez trouver de l'or, où est-ce qu'il y a des mines de diamants, où est-ce qu'il y a des mines de cobalt. Elle possède tout un tas de ressources qu'elle continue à faire valoir aujourd'hui au niveau des Nations Unies. Où, par exemple, son expertise dans la région des Grands Lacs, elle continue à la valoriser jusqu'à l'heure où on parle, en 2019. Et donc, ce sont des enjeux qui sont... le fait qu'elle se présente comme un institut scientifique, ce n'est pas un hasard. Le fait qu'elle ait éludé la question artistique muséale n'est pas non plus un hasard. Quand on parlait de la question des résistances ou comment elle est montrée, je pense que c'est ici, on montre un masque d'un chef congolais en fait. Et on dit voilà, ce chef-là a résisté. Et ça s'arrête un petit peu là. On ne parle pas non plus du chef Lusinga, qui est aussi un chef qui a résisté et qui en a payé le prix. Où, non seulement il s'est fait massacrer par Emil Storm, ce qui le détaille dans ses... Ah, Semi ? Je crois, et aussi pas à l'ULB, mais au musée. Ouais, voilà. Je crois naturel. Ben, c'est... Voilà, mais donc c'est là qu'on va parler des résistances, mais ces résistances-là n'ont pas été anecdotiques, elles ont quand même été généralisées dans le pays, on n'est pas juste venu... dans les documents que vous pouvez voir ici aussi dans cette salle, vous voyez un traité de cessation, où un chef... congolais cède le territoire à la Belgique, et en fait vous voyez qu'il y a une croix au bas du document. Ça fait partie des documents qui sont montrés. Mais donc vous voyez, en fait, on parle du paradoxe des ressources, mais en réalité le paradoxe, il est dans cette salle. On dit des choses, mais on les dit qu'à moitié. Il y a certains documents qui montrent que oui, il y avait une résistance, qui montrent que oui, on a un petit peu plutôt arnaqué les gens, mais en même temps, c'est pas très clair. Et c'est un petit peu ce flou total qu'on a reproché dès le départ. Alors ça, c'est vraiment dès les premières rencontres entre les groupes de la diaspora et les scientifiques du musée, on a dit, mais il n'y a pas de message clé. Même de parler de décolonisation, c'est arrivé dans le plan opérationnel. Non. C'est arrivé dans le plan opérationnel fin 2016, voire en 2017. Donc on était 2017, normalement, c'était la date de la réouverture. Finalement, on a réouvert en 2018. Mais donc, il y a tout ce paradoxe se retrouve vraiment, en fait, dans la manière dont l'exposition a été mise en place ici. Allô ? Donc oui, profusion d'informations, profusion de photos, d'images d'archives, donc difficulté à se focaliser son attention sur telle ou telle partie d'une salle qui est censée synthétiser ou même représenter cette histoire coloniale. Donc effectivement, ça correspond à la politique que ce musée a pratiquée, comme pratiquement tous les musées occidentaux, à savoir se laisser guider par une subjectivité extérieure, par quelqu'un qui est censé avoir des connaissances transversales et qui propose une lecture de ce musée. Mais effectivement, une des salles les plus problématiques, même pour nous en tant que guides, c'est précisément cette salle-là, ressources où... Alors à ce moment-là, est très clairement dévoilée l'incompréhension de l'insouveraineté et de la pauvreté au Congo, etc. Mais tout simplement parce qu'on parle de la salle qui, là je peux même le dire, c'est pas vraiment une salle de musée, c'est le showroom du sponsor qui a sponsorisé cette salle, à savoir Umicore. Et donc effectivement, on est dans une salle qui s'apparente plus à c'est triste, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller les aider que concrètement expliquer pourquoi on doit les aider, pourquoi il y a cette économie parallèle de l'enveloppement, comme dit Ferfel Winsart, pour envelopper le Congo et le laisser assister. Mais alors à ce moment-là, bon, comme on est dans un espace grand où il y a profusion de choses, nous en tant que guide, on a tous été choisis selon l'intérêt pour porter cette question. Dans la salle que nous allons voir tout à l'heure, il y a précisément ce qu'est devenu ce lieu, à savoir un lieu de connaissance. C'est ici qu'a été accumulée la connaissance du Congo, la connaissance de son sous-sol, la connaissance des peuples. Et quelque part, c'est ce qui, moi, en tant qu'afro-descendant, dans une volonté de pragmatisme, je me suis dit, j'en ai marre d'attendre que mon père et ma mère m'expliquent qu'est-ce que c'est que le Koussou, d'où nous sommes, quelles sont d'où nos traditions, etc. Donc, à un moment donné, on va sur Internet, on se rend compte que la source d'information de votre pays d'origine se trouve à 20 km de chez vous. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends qu'éventuellement, comme les pays africains, comme le Ghana, le Nigeria, le Rwanda, ces pays qui sont assez maîtres de leur image, j'attends qu'un musée du Congo s'ouvre, et alors à ce moment-là, 30 ans plus tard, je vais enfin avoir le vrai du vrai sur d'où je viens, j'ose en tant qu'afro-descendant de tenter d'aller à la source et de proposer ma subjectivité à tout un sachant évidemment où je me trouve. Je me trouve, comme Anne vous l'a dit, on est dans le sein des seins de l'impérialisme version belge. Mais après, quelle est cette différence entre ce lieu et moi? Je parle, François Makanga, comédien, acteur, va voir une pièce de théâtre ou va voir un opéra, et je vais à droite et je vais à gauche, je reconstate que je suis le seul afro-descendant. Donc j'évolue dans un milieu qui... Voilà, quand j'essaye de comprendre pourquoi on me prend pour tel ou tel casting et pour pas d'autres, à un moment donné, je me suis rendu compte que tout a commencé ici. Et donc, d'où mon intérêt à être ici et à être guide et à, dans l'espace négocié qu'est ce musée, qui est un espace de compromis, de compromission, un compromis à la belge, où Umicore donne son point de vue de l'Afrique et où, par exemple, on considère que certains Africains experts et non experts africains ont leur mot à dire dans telle ou telle salle. Il y a comme ça des espaces où on peut quand même faire travail de l'éducation, des pédagogies, parce que dans la logique malheureusement politicienne, Louis Michel compte à ce que la Belgique soit éduquée par ce musée, que toutes les écoles de Belgique vont et viennent ici en apprendre à ce qui est sur la colonisation. Malheureusement, ce qui est évidemment, c'est pas suffisant. Et donc... C'est grave, quoi. Enfin, je veux dire, c'est même pas que c'est pas suffisant. Enfin, je veux dire, ça continue du coup à être une espèce d'outil de propagande. Moi, je suis vraiment choquée par ce que je vois, quoi. Je comprends, et puis ta position, elle doit vraiment pas être facile en tant que guide de ce musée, mais je me dis, si toutes les écoles passent, ça va être ça notre outil d'éducation. En plus, tu parlais des opéras, des théâtres qui sont super blancs, sauf qu'ils n'ont pas marketé pendant 2 ans en disant qu'ils étaient en train de se décoloniser, quoi, tu vois. Tandis que ce musée a vendu aussi son truc comme ça, ça a été médiatisé pendant super longtemps, on a fait appel à des afro-descendants, on va faire ça correctement. Du coup, là... Je sais pas, ça m'énerve un peu tout ça, tu vois. Et je comprends, enfin, t'as tout à fait raison, il faut pouvoir trouver quelque chose, mais Je trouve que voilà, c'est même pas suffisant, quoi. Il y a quelque chose de... En fait, ce qu'il faut, c'est faut pas que ce musée devienne l'unique voie de la décolonisation. C'est tout. C'est juste une étape zéro. Et nous, en tant que guide, on se considère transmetteurs. On est censé, dans nos parcours, c'est pas parce qu'on est guide dans ce musée que le travail est fini. On doit constamment lire, aller à des conférences, voir des choses, voir des films. Donc nos visites évoluent constamment en fonction de tout ce qu'il y a en dehors du mur. Et nous, notre rôle, c'est d'amener dans ces murs ce changement sociétal occidental inéluctable, parce que là, on est en perte de vitesse. Le modèle... Ce modèle qui est apparu au début du XXe siècle, très clairement se casse la gueule. Et donc oui, on tente de nouveau reproduire, mais cette fois-ci au niveau du côté des pays africains qui vont de l'avant. Et alors je module mon discours et mon histoire. C'est ce que je vous dis là, c'est ce genre de discussion qu'on a eu entre guides. Je ne suis pas occupé à tenter de vous prouver mon honnêteté, que je suis du beau côté des choses. Il y a plusieurs pôles. Il y a les scientifiques, cette fameuse science que Einstein disait, science-conscience n'est que ruine de l'âme. On pense toujours la science de la même façon. Et ici, il y a des scientifiques qui pensent la science de la même façon. Et à côté, il y a le service éducatif avec des anthropologues. Bon, peut-être pas le cercle d'anthropologie prospective de Martin, mais il y a aussi certains anthropologues qui ont à vocation de rendre intelligible à n'importe qui, que ce soit un adolescent, un afro-descendant qui marche la tête baissée dans ce musée, qu'a une famille petit d'eux... Qui a fait les colonies, faire en sorte que le monde change, que le monde évolue. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Mais donc, précisément dans la salle ressources, il y a justement l'information. On va voir concrètement qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de ce pays. Quoi. Voilà. Sponsor, c'est moi. The sponsor is marked. Dans la salle, je pense que oui, c'est pas marqué. À l'entrée. Mais... À l'entrée. C'est marqué. Mais spécifiquement parce que c'est cette salle-là, Umicore, c'est cette salle-là. Et donc, nous, en tant que guide, on n'a pas grand-chose à amener dans cette salle parce qu'elle est inintéressante. Dans cette salle-ci? Non, l'autre. Ah, voilà, ok. On se retrouve, on va manger, je vous dirai où on se trouve. C'est plus simple. Est-ce que... C'est comment encore ton prénom? Aurore. Aurore, ou bien il est encore trop tôt? Ou alors t'as pas du tout... Qu'est-ce que tu penses comme ça de cette petite balade depuis ce matin, de ce qui se dit comme ça, à chaud, évidemment que tu prends pas du recul, mais... J'étais déjà venue voir le... Mais peut-être, tu t'es présentée dans le micro au début, t'as dit... Oui, c'était moi qui faisais des petites blagues. Je crois que ce qui m'avait le plus marqué quand j'étais venue et qui a été soulevé... j'ai oublié son prénom, l'historienne. Moi aussi, c'est vraiment cette idée de présenter le paradoxe des ressources. Fin... L'historienne, tu veux dire la guide ici, là, maintenant qui est elle-même historienne de l'art, non? Je n'ai pas retenu. Oui. Et que je trouve... moi, je fais ma thèse sur les conflits à l'est du Congo, et donc notamment la question des ressources à l'est du Congo engendre... des morts. Enfin, on dit que c'est une des guerres les plus mortifères depuis la Seconde Guerre mondiale. On compte grosso modo 6 millions de morts à l'est du Congo, qui est une guerre uniquement liée aux ressources. Enfin, pas uniquement, mais en tout cas, c'est quand même un des enjeux les plus importants, qui rassemble des enjeux à la fois régionaux, internationaux, avec des intérêts de toutes parts. Et on présente ça ici comme le paradoxe des ressources, alors que c'est un des conflits les plus violents qui existent. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement honteux. Je ne savais pas, c'est le guide qui vient de le dire, que c'était une salle qui avait été créée par une entreprise, apparemment. Ce qui est encore plus choquant. Et donc ça, c'est pour les sujets sur lesquels, qui m'intéressent moi plus particulièrement. Je trouve ça extrêmement violent de présenter le paradoxe des ressources comme quelque chose de... Ah, ça tombe du ciel, c'est c'est presque rigolo, quoi. Hein. Ils ont un sous-sol qui est riche et ils sont pauvres, les pauvres. Déjà, on parle de la pauvreté, on parle pas de la guerre, on parle pas des morts. Et puis juste à côté, dans la salle qui est attenante, on montre toutes les pierres précieuses dans une vision complètement apolitique, juste géologique, en disant « Regardez, ça c'est l'or, ça c'est le truc, ça c'est le machin », et sans présenter les enjeux autour. Et après, effectivement, je trouve que de manière générale, il manque... C'est dommage qu'il manque des explications plus claires. Quand des choses sont dites, elles sont dites à bout de lèvres. Notamment, par exemple, là, on repasse devant la salle du début. On explique qu'on met ces statues-là, mais qu'on n'assume plus cette idéologie-là. Ça, je trouve ça intéressant de le dire comme ça, mais je trouve qu'il faudrait plus expliquer, par exemple, expliquer pourquoi, dans quel contexte ça a été créé, etc. Et en fait, j'ai l'impression... Bon, peut-être que je suis trop enfermée dans ma bulle, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se savent. Les personnes ne se disent que la colonisation... Enfin, à l'heure actuelle, je crois pas qu'il y ait encore beaucoup de gens... Enfin, je suis peut-être naïve, mais qui a une vision complètement angélique de la colonisation. Donc j'ai l'impression qu'aussi, le musée assume moins... que ce qui est déjà su. Enfin, c'est pas Bah, tu sais, il y a le petit monde, hein, je réagis à ce que tu dis, hein, ouais. Mais il y a le petit monde de l'entre-soi qui fait qu'on est super pointu dans son domaine. Et puis, tu vas discuter avec le monsieur, madame, tout le monde, et il est encore bien imbriqué, des fois, dans ses idées, des vieilles idées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en tout cas, je crois pas que les gens... Enfin, la question du mot, de la colonisation, la traite, ça, c'est quand même des grands sujets. Moi, j'ai l'impression qu'ils... Enfin, sa colonisation n'est pas assimilée dans les esprits de tout un chacun à entreprise glorieuse. J'ai l'impression qu'il y a quand même... Ça se sait, et puis après, il y a peut-être une discussion en disant « Oui, mais c'était quand même bien, parce qu'on a... » Enfin, notamment quand on a des débats avec des gens qui sont pro, entre guillemets, pro-colonisation, ils vont dire « Oui, c'est vrai, il y a eu des violences, mais... » Mais donc, les choses sont quand même sues. Donc, je suis quand même étonnée que ce soit pas présenté... Enfin, j'ai l'impression que... Il y a des choses qui ne sont pas du tout dites par le musée et qui sont pourtant... la société a déjà beaucoup plus avancé dessus que ce qu'eux présentent. Quoi. Enfin voilà, ça c'est des petits trucs. Moi personnellement je trouve qu'il y a des choses intéressantes à voir, mais c'est vrai que ça manque d'une explication claire. Et puis je trouve ça très chouette de voir que le guide par exemple nous explique que lui fait des tours en expliquant le concept, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même des espaces au sein du musée, pour pouvoir apporter des voix dissonantes, mais voilà. Merci à toi. Ça, je te fais une petite conférence. Ouh. Je me demande combien il y a de groupes qui rentrent et combien il y a de groupes qui sortent. Ça doit être une vraie entreprise, quoi. C'est un truc de malade. Mais je suis occupée à me rendre compte. En fait, en arrivant, il y avait un type qui avait... Le micro est toujours branché. C'est Bamco. Et il me dit, non, c'est la diplomatie. Je sais pas quoi. On ne va pas faire la même visite. Oui, non, ça ne sera pas la même visite. Bon, allez, je coupe.